Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, dans le club créé. Club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental qui vous propose... À tous ceux et celles qui ont assisté à la conférence au début du mois de juin 2011, ainsi qu'aux abonnés à la salle 1106. La conférence qu'il nous a accordée à Québec sur le thème « Génie ou folie » donnée par M. Marc de la Salle. Première conférence avec nous à Ésotérisme expérimental. Bonne écoute. Alors Marc de la Salle, j'essayais de vous comparer un peu à Bernard de Montréal que vous avez connu ou que vous n'avez pas connu. J'ai connu, oui. J'ai connu, j'avais probablement 30 ans à peu près. OK. Vous êtes allé assister à des conférences? Êtes-vous allé à un séminaire de Bernard? J'étais assisté à une conférence. J'habitais dans le nord de l'Ontario, jadis. Puis c'est ça, j'avais entendu parler de ce monsieur-là. Puis je suis déménagé à Montréal pour assister à cette conférence. Puis j'ai fait le séminaire un mois plus tard. Je savais déjà qu'indirectement, je devais rencontrer quelqu'un qui parlait le même langage que moi. Ça fait que ça s'est présenté à cette fois-là. Donc, vous étiez déjà branché, connecté, avant de rencontrer Bernard? Déjà très jeune, je savais que j'allais écrire des livres et donner des conférences. Déjà très jeune, je savais ça. Mais je ne savais pas à quel moment que ça commencerait, mais déjà très jeune, je savais ça. À quel moment vous avez commencé à parler en public? À parler en public? Je crois que c'est la première fois que j'ai parlé en public, c'était en 2000 à peu près. J'avais lancé un livre parce que je suis dans l'enseignement. Puis je considérais que la jeunesse d'aujourd'hui n'avait pas tellement de barrières ou indirectement des routes à prendre pour se définir, surtout dans un système scolaire qui est trop énorme pour la jeunesse, pour la sensibilité. Donc j'avais écrit ce livre-là, puis j'avais donné quelques conférences à partir de ce livre-là. Le titre du livre? Comment encadrer l'adolescent? Ah oui? Oui. Okay, vous travaillez d'ailleurs au secondaire au niveau des adolescents. Oui, mais déjà là, j'avais déjà un contact télépathique avec l'invisible. À partir de tous mes livres, indirectement, et tout ce que je fais, c'est indirectement par contact télépathique. C'est pas nécessairement moi qui parle, c'est moi qui parle, mais indirectement, c'est, je dirais plutôt, c'est une vibration. La parole, tu as la parole ou tu ne l'as pas. Tu as rien à dire ou tu as quelque chose à dire. On s'invente pas la parole. Dépendamment de ce qu'on doit faire. Dans les textes sacrés, on n'appelle pas ça la parole, on appelle ça le verbe. Oui, effectivement, le verbe, oui. Mais ça commence tout là. Est-ce que c'est mieux de dire le verbe ou la parole? Mais ça commence tout là. C'est la même chose. Il faut toujours adapter sa vie en fonction de la société dans laquelle on vit. Donc, le verbe était utilisé dans ce temps-là, dans les livres sacrés, parce que ça avait une puissance vibratoire qui faisait résonner chez les gens. Mais aujourd'hui, si on dit le feu de la parole, je pense que les gens vont retrouver la même chose que le verbe. Le langage s'est développé pour s'ajuster à la sensibilité des gens d'aujourd'hui. On utilise le mot « parole » en anglais pour parler de « payroll ».« Payroll », ça veut dire « je m'engage à », »,« je donne ma parole à ». Oui, autrement dit, c'est la sincérité de l'être qui se manifeste dans le payroll, là, mm-hmm. quand on dit ta parole. Alors, Marc de la Salle, le thème de ce soir ici à Québec, on est le vendredi 3 juin 2011, oui. et en rapport avec un cheminement qu'on fait depuis plusieurs mois ici dans les rencontres, ce serait de parler, parce que dans les événements qu'on connaît, mm-hmm. on ne sait plus sur qui se fier. L'explosion après le tsunami, le raz de marée Fukushima au Japon. Un jour, on nous dit c'est désastreux. Le lendemain, on nous dit non, tout est sous contrôle. Puis finalement, on ne sait plus qui croire. Aux États-Unis, arrive la même chose avec BP. Alors la question est, le thème est, qui est fou, qui est génial? Et on dit souvent que le génie est près de la folie. Alors nous autres, on essaye de suivre quelqu'un quelque part, on essaye de se dire, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Comment discerner? C'est certain qu'on est dans un ère d'individualisation, c'est-à-dire que l'individu doit reconnaître par lui-même si ce qui se passe en société est réel ou pas. Si vous prenez l'événement du Japon, le tsunami qui est arrivé, ce n'est pas un hasard pour tout simplement réaligner quelques personnes. La sensibilité de certaines personnes doit être réalignée. Et si, indirectement, vous avez la peur ou de la crainte par rapport à un événement comme ça, c'est sûr que la première chose qui va être mise en vibration chez vous, ça va être cet aspect-là. Donc, après ça, c'est toute votre psychologie qui va vous influencer dans les décisions que vous allez prendre. Est-ce que vous allez voir ça, interpréter ça comme une fin du monde, ou vous pouvez interpréter cet événement-là tout simplement comme le début de grands changements? C'est des indices pour l'individu pour se centrer, pas pour décentrer l'individu. Parce que si vous prenez les inondations en Montérégie ou quoi que ce soit, c'est de la même échelle, mais c'est moins désastreux. On s'entend, c'est moins désastreux qu'un tsunami. Mais pourquoi que ça arrive aux Japonais? Faut se poser la question. Si on fait une étude, pourquoi ça arrive aux Japonais? C'est quand même curieux que ce soit eux autres qui ont reçu les deux premières bombes nucléaires en 45 avec Nagasaki puis Hiroshima. Donc, et cette fois-ci, ce peuple-là est devenu complètement pacifique et pourtant est devenu un grand allié des États-Unis, même après avoir subi la frappe américaine durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce peuple-là a fait avancer la technologie énormément. Est-ce que ça peut donner indirectement une réponse à l'énergie nucléaire qui voulait se développer plus rapidement? Quand on songe à l'énergie nucléaire, vous parlez de 100 ans de radioactivité. Donc, ils vont être obligés de fermer toute cette région-là, côtière du Japon. Et je vous entendais dire tantôt, premièrement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais il n'y a pas un gouvernement qui va communiquer la réalité au peuple. Ça, il faut oublier ça. Dans les années à venir, le gouvernement va cacher le plus possible d'informations pour pas déstabiliser la masse psychique des consciences sensibles de certaines personnes. C'est voulu, indirectement. Maintenant, par Internet, ça vient plus du gouvernement, l'information. Ça vient du petit peuple, ça vient de la base. Des gens qui vivent là sur place, envoient Facebook, envoient directement le message. Ben, c'est justement parce que le phénomène de l'information aujourd'hui est là pour amener les individus à reprendre contrôle de leurs propres paroles. Et quand tu écris des stupidités sur Internet, il y a un impact sur ça. La réalité de ton message a un impact sur plusieurs individus. Ça veut dire que tu peux mettre en vibration dans la crainte des individus et comme tu peux mettre en éveil des individus par tes écritures. Donc, si tes écritures permettent un éveil à comprendre que l'événement doit simplement être ramené à toi-même pour regarder qu'est-ce que ça fait, toi, de vivre ça. Rappelez-vous la guerre du Golfe, rappelez-vous le 11 septembre. Comment est-ce qu'il était votre corps émotif quand vous avez vécu le 11 septembre? Est-ce que c'était une impression banale ou vous avez dit « Ah, c'est intéressant le 11 septembre ». Donc, si l'individu n'est pas neutre par rapport à ce qui s'en vient, c'est certain qu'il va être, il va vivre les montagnes russes en tant qu'émotion. Ça, c'est certain. Avec toute son intelligence, l'être humain qui regarde tous ces événements-là, à chaque fois, il décèle le mensonge. Quand Bush nous dit « c'est Al-Qaïda », on a trouvé tout de suite le coupable quand on avait tué Kennedy. On savait déjà que c'était Lee Harvey Oswald. C'est curieux, on avait tout de suite la réponse là au bout du doigt. Et le peuple, les gens ordinaires, se disent « non, c'est arrangé ça là ». Alors, je reviens à la question du départ, génie ou folie? Qui est génial et qui est fou, qui peut nous faire croire n'importe quoi? Et comment nous discerner tout ça? C'est intéressant comme question parce que la folie, c'est simplement un contact avec des entités de la mort très puissantes qui influencent, des inframondes que vous appelez, c'est ça, inframondiques. Oui. Donc, c'est des entités de la mort qui sont pas nécessairement à l'intérieur de la planète Terre. Ça peut être des égrégores. Un égrégore, c'est, par exemple, la haine de plusieurs individus envers un peuple. Et ces égrégores-là changent la psyché. Les gens qui viennent d'Europe, viennent ici au Canada, puis ils se disent, mon Dieu, on est donc libre ici, comparativement à toute l'oppression. Mais c'est certain, c'est un peuple, c'est un continent qui a eu la guerre et la guerre, alors qu'au Canada, il n'y a absolument rien. Donc, la folie, c'est quoi? C'est un contact astral avec très puissant, avec des entités du bas monde, des forces luciférienne ou des forces sataniques, indépendamment de l'étendue. Si vous prenez une personne comme Hitler, c'est certain que les forces sataniques sont à l'œuvre. C'est évident. Al Ducci, Mussolini, c'était la même chose. Mais regardez les hommes d'État d'aujourd'hui. Regardez les hommes d'État d'aujourd'hui et posez-vous la question par rapport aux hommes d'État d'aujourd'hui. Et discerner. Comment discerner? Comment discerner? Parce que Hitler, ça nous saute aux yeux. Puis quand on était allemand à l'époque, on avait l'impression que c'était un génie. Alors qu'aujourd'hui, on va dire que c'est un fou. Le génie, bon, ben, on va donner une définition du génie. Du génie, c'est quoi? C'est celui qui ne se pense pas. Indirectement. Celui qui ne se pense pas. Parce que vous venez au monde avec une qualité, indirectement, un atout essentiel qui vous permet. Moi, ça peut être la parole. Je peux être très bon en parlant en public. Mais monsieur, c'est un scientifique ici, hein? Vous êtes un scientifique. Donc, vous allez naître avec cette science-là. Mais monsieur, il peut devenir autant schizophrène avec cette science-là que n'importe qui d'autre, pour la simple et unique raison que c'est l'impression qu'il va se donner d'être intelligent dans la forme qui va le rendre important à un moment donné. Et son génie va glisser lentement vers la folie. C'est une compréhension que l'individu doit comprendre que être intelligent, puis l'impression de l'intelligence, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si vous regardez, il y a beaucoup de gens qui prennent l'impression d'être intelligents et ils font croire aux gens, finalement, que ce sont des grands individus. Prenez des artistes. Prenez un symbole comme Lady Gaga, qui est très populaire. OK? On peut pas dénier que c'est un phénomène au niveau de la masse planétaire, cette dame-là. OK? Mais elle se considère intelligente et tous les gens qui sont autour la considèrent intelligente. OK? Elle a peut-être le génie de communiquer sa musique, mais est-ce qu'elle a l'intelligence de savoir qu'est-ce qu'elle crée à la population et à une société sur des années? Et c'est là la question. Hitler s'est jamais posé cette question-là. Il pensait honnêtement que c'était lui qui allait guider son peuple vers de grands sommets. Ben, Ahmadinejad, c'est la même chose. En Égypte, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Internet est si important aujourd'hui? C'est pour dénoncer toute la manipulation, pas nécessairement des gouvernements, parce que les gouvernements, ils peuvent cacher autant qu'ils veulent. Ça, c'est certain. Mais ils sont là pour dénoncer, tout simplement, tous ceux qui écrivent sur Internet, dénoncer indirectement la dictature de l'occulte d'un gouvernement. Ça se comprend, ça? La dictature de l'occulte d'un gouvernement? Oui. Donc, allez. Bon, on vit sous l'oppression d'un gouvernement démocratique. Bien, tout gouvernement, indirectement, n'est pas là présentement pour le développement de l'homme. Le gouvernement est là pour le développement d'une société de consommation. Regardez la Chine. Si la Chine attache autant d'importance à son développement industriel, au dépens de sa population, c'est parce qu'ils ont acheté le American Dream indirectement. Ils ont acheté le rêve américain. Le rêve américain, c'était noble. C'est noble, comme la société française était noble dans le temps, avec les monarchies et tout ça. Mais chaque ère a son temps, ça dépend de l'intelligence des individus. Si l'individu n'est pas intelligent, on peut y faire passer, avaler n'importe quel cocombe. C'est très facile. Mais si l'individu vient le moindrement intelligent, et il va développer son génie. Et c'est quoi son génie? C'est le discernement. C'est quoi le discernement? C'est de savoir si ce que l'autre dit est réel ou pas. Si c'est réel, comment vous allez savoir si c'est réel? Bien, indirectement, et on ne vous imposera pas une valeur dans cette réalité-là. Moi, je parle, là, puis je ne vous impose pas de valeur. Je vous demande indirectement de prendre des points de repère de votre vie et de les placer un à un pour savoir où vous vous situez. Parce que le gouvernement va toujours vouloir vous demander à vous de servir la démocratie. Mais vous n'avez pas à servir la démocratie, servez-vous vous-même. Parce que vous-même, vous êtes votre propre royaume, vous êtes votre propre démocrate. Moi, si j'étais, par exemple, en Syrie, je déménagerais. Je ne resterais pas là pour défendre les valeurs de Syrie. Je m'en irais parce que je sais que la Syrie va passer à travers des ombres difficiles. Des ombres difficiles, la même chose que le Moyen-Orient. Vous faites comme Albert Einstein, quand il était en 32 en Allemagne, il a dit, moi, je sac mon camp d'ici. Hein? Rappelez-vous, il est allé en Angleterre, et après ça, il est allé aux États-Unis. Tout simplement parce que lui, il avait le génie de reconnaître que Hitler était fou. Déjà là. Mais il n'y a pas grand personne. Si vous regardez des individus qui semblent avoir de l'intelligence, et ils n'en ont pas, C'est tout simplement parce que ils sont pas capables de dire ce qu'ils disent d'une façon claire et nette. Il va toujours y avoir un piège dans ce qu'ils disent. Ou un mensonge. Un mensonge, ben oui, ben c'est sûr, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Si vous posez une question puis je réponds pas, je dois vous dire pourquoi je réponds pas. Sinon, je peux inventer une réponse, hein, pour paraître intelligent. Vous êtes d'accord? C'est facile d'inventer une réponse pour paraître intelligent. Ben, c'est comme ça que... Alors, si Einstein pouvait quitter l'Allemagne, oui, c'était facile. Prenez le train, prenez l'avion, merci, bonjour. En 32? Oui. Maintenant, nous, dans la société actuelle que vous disiez tantôt de consommation, on se rend compte qu'on arrive à l'épuisement des richesses naturelles. On fait de l'écologie, mais du recyclage pour réutiliser nos cochonneries et nos déchets, parce qu'il n'y a plus de ressources naturelles disponibles autant qu'autrefois, et la quantité de gens qui consomment augmente continuellement. Ouais. Donc, on arrive vers un entonnoir. Un point de rupture. Un point de rupture. Alors, où peut-on s'enfuir? Hitler, c'est-à-dire Einstein quittait l'Allemagne, on va aller où? Il y aura définitivement pas de place sur ce que l'homme va pouvoir aller à part en lui-même. Ça, c'est définitif. Tout ce qui va se passer dans les années à venir va permettre à l'individu de se rapprocher de lui-même. De dire, comment moi je vis ça, cet événement-là? Prenez le 11 septembre. OK? Ça a changé toute la politique extérieure des États-Unis. Ça a changé toute la politique internationale, le 11 septembre. C'est un événement important, le 11 septembre. Pourquoi? Au niveau du peuple américain, ça lui demande d'être intelligent avec le pouvoir. Ils vont être obligés d'être intelligents avec le pouvoir, mais demandez pas aux États-Unis d'être intelligents avec le pouvoir demain matin. Ça a pris 500 ans à l'Angleterre d'être intelligente avec le pouvoir. OK, faut pas oublier que l'Angleterre sont responsables de l'esclavage. Donc, indirectement, si vous avez un peuple comme le peuple américain qui vit le 11 septembre, et ce sont eux qui vont être le gouvernement mondial indirectement avant qu'il y ait un ordre mondial plus grand, parce que présentement... Il n'y a pas personne qui peut rivaliser avec les États-Unis. Oubliez ça. Donc, pourquoi que les États-Unis ont cette puissance-là? Ben, ça va servir à quoi? Ben, ça va servir indirectement à préserver la démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est bien? C'est bien pour l'instant, mais c'est pas, ça sera passé dans 25 ans. Hein? On s'entend. Mais, si vous regardez une valeur intrinsèque du Canada ou des États-Unis ou de certains pays dans le monde, et vous devez toujours regarder qu'est-ce qui se passe entre les relations hommes-femmes. Et vous avez vu que DSK s'est fait taper sur les doigts aux États-Unis. Ben, il faut comprendre aussi que le peuple américain est capable d'aller dans les deux sens. Dans le sens que il peut être très prude comme peuple. Mais ils vont devoir apprendre à gérer le pouvoir parce que c'est eux autres qui ont le pouvoir entre les mains pour les prochaines années. Donc, indirectement, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner des excès de pouvoir et des ajustements. Et des excès de pouvoir et des ajustements. Donc, vous pouvez pas indirectement dire, ben les Américains, ce sont les méchants, et les Chinois, ce sont les bons. Vous pouvez pas dire que les Russes, ce sont les bons non plus. Il faut tout simplement faire un discernement, avoir son propre génie et dire, quel est l'enjeu politique de la Chine de ne pas avoir participé au vote de l'ONU pour la Libye? Quel est l'enjeu politique de la Russie de ne pas avoir participé au vote de l'ONU aussi? Pourtant, c'est un pays totalement loin de la Chine et des... Mais pas si loin que ça. Donc, il y a toujours des alliances entre les gouvernements. Il va y a toujours en exister jusqu'à temps que les cataclysmes qui vont se passer sur la Terre vont remettre et ébranler suffisamment les gouvernements pour qu'ils ne puissent plus se penser intelligents. Les gouvernements se pensent trop intelligents et ne le sont pas intelligents. Pourquoi? Parce qu'indirectement, ils sont là pour servir le bien des corporations. Souvent, ils sont là pour servir le bien indirectement de la monnaie qui circule. Et cette monnaie-là qui circule va un jour vivre son Waterloo. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'argent sur la Terre. Elle est trop concentrée dans les mains de sociétés. Et c'est pas naturel que Facebook vale des milliards de dollars alors que c'est seulement un réseau social. Est-ce qu'ils donnent du travail aux hommes dans les pays? Non, ils donnent pas du travail aux hommes dans les pays et aux femmes. Tout ce qu'ils font, c'est tout simplement exercer un pouvoir de contrôler l'information et de gonfler l'ego de, je crois, Lady Gaga qui est rendue à je sais pas combien d'amis Facebook. Vous comprenez? Elle se pense intelligente parce qu'elle a beaucoup d'amis Facebook. Vous voyez, c'est un... Donc, le génie, c'est quoi? C'est de voir que c'est tout de la poudre aux yeux. C'est ça, le génie. C'est de voir que c'est de la poudre aux yeux. La folie, ce serait de penser que Lady Gaga va apporter quelque chose d'intelligent sur la planète Terre. Ce serait ça la folie. De penser vraiment que, oh ben, regardez la petite fille là qui a 12 ans puis qui va être Lady Gaga plus tard. À cause qu'elle a vu le vêtement de cette jeune femme-là qui vend son corps sexuel puis qui utilise toutes les lois d'impression, des lumières et de la musique techno, etc. Puis, et voilà. Et voilà, on est dans une société de folie parce qu'il y a des individus qui sont mis sur des piédestals et les gens ne reconnaissent pas que ce sont simplement des charlatans de l'intelligence. Je reviens avec le point essentiel oui. sur lequel on se laissait tantôt. Si on ne peut pas fuir l'Allemagne comme Einstein, oui, oui. Ça serait de s'en aller vers l'intérieur. C'est ça que vous avez répondu. Définitivement. Expliquez-nous le chemin à suivre pour aller vers l'intérieur. Oui, ben la première réponse que vous devez savoir pour vous-même, c'est établir qui vous êtes. Savoir qui vous êtes. C'est quoi votre talent? Indirectement, si vous savez votre talent, vous allez vous dire, je suis venu faire quoi, moi, ici, sur cette planète Terre-là? Comme monsieur est un scientifique, probablement, vous saviez très jeune que vous aimiez ça, la science. Donc, lui, ce monsieur-là, il peut bâtir sa vie autour de la science. Et tout ce qui va l'intéresser indirectement va lui permettre à avancer dans son dans la structure mentale de qui il est. Et si on prend votre mot, s'il se pense indirectement plus intelligent qu'un autre, dans cette science-là, il va devenir prétentieux. Et en devenant prétentieux, il se sort de lui-même. Il n'est plus dans lui-même. Il est sorti de lui-même. Donc, l'individu doit se savoir indirectement dans son talent. Vous êtes incarné sur la Terre, il y a toute une raison principale. Ça peut être pour vous libérer de vos parents qui vous ont emprisonné. Ça peut être d'avoir vécu un traumatisme très, très jeune et vous devez le triompher. Donc, si vous triomphez de ce traumatisme-là ou quoi que ce soit, quand un événement comme le 11 septembre se présente, vous n'avez plus rien à régler. Vous transportez plus cette charge émotive-là sur vos épaules d'avoir vécu un traumatisme avec vos parents. Donc, indirectement, vous pouvez regarder avec froideur l'événement parce que vous êtes libre dans votre vie. Donc, il faut que l'homme revienne à l'intérieur, il faut qu'il s'établisse, il faut qu'il se connaisse, il faut qu'il connaisse c'est quoi ses forces et ses faiblesses. Mais ne vous donnez jamais de défauts, vous n'avez pas de défauts. Sachez que vous êtes en construction, en devenir. Puis quand vous allez savoir indirectement qui vous êtes, vous allez tomber dans la conquête de votre identité. La conquête de son identité, c'est quoi? Mais c'est indirectement de savoir que moi, si je suis venu sur la Terre, c'est indirectement pour me diriger vers plus d'intelligence. Il y a des gens qui vont parler de lumière, mais indirectement, c'est trop vague, la lumière. On va dire, oui, mais je veux vivre dans la lumière, mais c'est quoi la lumière? Mais en premier lieu, la lumière, c'est à la base, se savoir soi, dans qui on est. Quand vous savez qui vous êtes, vous ne donnez pas d'importance aux autres. Vous reconnaissez l'autre pour ce qu'il est. Et point à la ligne, vous ne vous sentez pas diminué, comme M. Glenn, je ne me sens pas diminué, il ne se sent pas diminué par rapport à moi. Parce qu'il se sait, je me sais, et on peut échanger. Mais quand vous êtes en position, indirectement, que vous n'êtes pas dans votre autorité, c'est quoi être dans son autorité? C'est ce savoir. C'est savoir quoi? Mais c'est savoir d'où vous venez. Si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne pourrez jamais savoir qui vous êtes. Il faut savoir. Un jour, vous vous posez la question, mais pourquoi mon frère m'a toujours frappé quand j'étais jeune? Hein? Il faut la répondre, cette question-là. Il ne faut pas penser que son frère, c'est le méchant loup. Peut-être que dans une autre vie, vous y avez cassé une jambe. Et c'est le retour du balancier. Parce que, indirectement, si vous vivez une vie tout simplement en fonction de celle-ci, vous allez vous apercevoir que vous êtes limité en intelligence. Pourquoi? Oui, allez-y. Comment on peut savoir des choses de vie passée alors qu'on n'a pas la mémoire des événements des vies passées? Ah. Il faut d'abord gérer notre vie ici. C'est très simple, c'est très simple. Vous vivez une émotion qui vous chambarde, il y a déjà une connexion avec une mémoire. Une émotion, c'est de la mémoire. Donc, vous regardez le 11 septembre, vous avez la mémoire. Parce que si vous vous mettez à pleurer, ben vous pleurez pas parce que c'est près de vous. Vous pleurez parce que vous pensez que c'est la fin du monde. Vous pleurez parce que vous, indirectement, êtes lié à une mémoire qui vous a permis, dans une autre vie, de souffrir énormément. Si vous regardez le 11 septembre et vous dites, ah, c'est intéressant, le 11 septembre, ça va permettre aux Américains d'aller dans le monde et de changer l'ordre mondial indirectement avec qu'il y ait un autre ordre mondial plus grand. Mais c'est nécessaire que les États-Unis aillent dans le monde. C'est nécessaire que les États-Unis aillent dans le monde. Vous voulez pas que la Chine vienne au Canada? C'est un peuple communiste. Donc, vous avez une idée, si vous n'êtes pas capable de savoir que l'émotion que vous vivez par rapport, je sais pas moi, à votre mère qui a été méchante avec vous quand vous étiez plus jeune, c'est parce qu'indirectement, vous ne savez pas que vous avez décidé de vous réincarner avec cette mère-là dans cette vie-ci pour triompher de vous. De vous définir, de vous savoir. Si vous ne vous savez pas, vous allez être obligé indirectement de vivre l'autorité de votre mère toute votre vie. C'est vraiment dégueulasse de voir des enfants qui arrivent à la fin de vie et ils ne veulent pas que leurs parents meurent. Ils disent, mais non, meurs pas, là, je ne suis pas prêt là, pour que tu meurs. Là. On ne peut pas empêcher quelqu'un de mourir. Il faut simplement dire à cette personne-là, lorsque tu seras prêt à partir, je suis là pour t'épauler. On ne dit pas à une personne, je ne veux pas que tu meurs. Si elle est en train de mourir, elle veut mourir. Faut pas essayer de dominer l'individu. Il faut les amener à être en paix avec eux-mêmes. Et je me rappelle, moi, quand mon père est décédé, comme je vous disais, il y a très longtemps que j'ai un contact télépathique avec le culte. Ma mère était décédée très jeune. Je ne comprenais pas l'événement quand ma mère est décédée très jeune. Mais quand mon père a eu un cancer, la même chose, je me suis posé la question. J'ai dit, 10 ans plus tard, il y a peut-être un lien entre les deux que je dois faire. Et c'était très, très clair que je devais triompher de moi-même. C'était très, très, très clair. Parce que pendant 10 ans, j'ai cherché beaucoup à comprendre cet événement-là difficile. Et c'est avec le temps que j'ai compris qu'indirectement, il faut triompher de ses parents. Il faut se rendre libre. Que si l'individu vit les choses par rapport à sa vie, c'est toujours relié à ses vies intérieures. Toujours relié à ses vies intérieures. Antérieur ou intérieur? C'est toujours, on vit sa conscience de l'intérieur. On vit jamais ça à l'extérieur. Et ses vies antérieures, mais cet homme-là, quand il est parti sur les plans, il est allé se reposer. Je lui ai dit, quand tu vas mourir, là, à 6 heures du matin, tu vas aller te reposer. Il est mort à 6h01. J'étais prêt. Mais c'est ça, c'est comme ça, la vie, les vies antérieures. On a tout un passé, mais le passé, il n'est pas important en autant que vous en triomphez. Si vous êtes capable de regarder votre vie et dire, bon, ben j'ai eu tel père comme ça, et ça m'a permis de triompher, et indirectement, il vous a donné une génétique, il vous a donné un héritage. Il y a un sentiment qui va triompher un jour ou l'autre. Votre mère, elle était peut-être très sensible. Et comment, cette sensibilité-là... Comment on peut retrouver nos vies antérieures? Est-ce que c'est vraiment utile de retrouver ses vies antérieures? Je vais poser la question. C'est vous qui l'avez dit tantôt. Je vais poser la question. Okay. C'est totalement inutile de savoir ses vies antérieures. Bon, pourtant, tantôt, vous nous avez dit, il faut savoir d'où on vient pour savoir qui on est. Mais c'est ça. Mais si on se met à chercher, on est fait. Parce que tous les éléments qui se présentent à vous dans cette vie sont faits de vos vies antérieures. Comprenez-vous? Donc, si vous êtes en présence de l'intelligence, vous êtes donc dans une syntonisation avec votre vie au plus haut degré. Tout le monde a indirectement vécu plusieurs vies sur la planète Terre. Indirectement. À moins que vous ne pensez pas que c'est la seule vie que vous allez vivre. Vous pouvez très bien faire une vie en pensant que c'est la seule vie que vous allez vivre. Parce que l'intelligence demeure la même. Vous devez indirectement être libre, émotivement, de tout ce qui vous arrive. De ne pas attacher d'importance à ce qui vous arrive. Si vous attachez une valeur à ce qui vous arrive, tout va être fait dans la vie pour que vous soyez confronté à cette valeur-là. Une personne qui va être riche, tout va être fait. Elle va peut-être perdre sa famille parce qu'elle va être riche. Tout va être fait. Donc, si j'attache une valeur à la forme antérieure, ben je vais vouloir avoir des réponses. Et les réponses que je vais peut-être avoir, ça va être des réponses occultes que je ne pourrai jamais vérifier. Et si je suis en contact avec l'au-delà, c'est encore plus dangereux. Parce qu'on va vous faire croire ce que vous voulez croire. La croyance, c'est l'arnaque la plus dangereuse du monde astral, du monde de la mort, de ce que vous appelez l'inframundi. Infra, c'est ça. À travers tout ce qui est dans les mondes. À travers tout. Dans tous les mondes aussi, hein, exactement. Marc de la Salle, je me demande maintenant quelle serait la solution pour adhérer à un plan intelligent, génial, et éviter les pièges de la folie. C'est sûr que les événements à venir vont vous confronter à être sur la ligne mince. Les gens vont vraiment être mis au diapason de leur intelligence dans les années à venir. Si vous n'êtes pas intelligent, c'est de valeur, mais ça va être la santé mentale, ça va être la première chose qui va partir. Le tapis va vous glisser sous les pieds. Pour la simple et unique raison que l'événement a la puissance de vous briser psychiquement et émotivement. Une personne peut vivre environ 2 chocs dans sa vie. Et un troisième, tu sais, vous perdez une femme, vous perdez une deuxième femme, la troisième, il y a des bonnes chances que ça soit fini pour vous. Et c'est là que vous allez être près de la folie. Comprenez? Parce que vous attachez une valeur au fait que vous avez perdu 2 femmes. Ils vont vous, les forces de la vie peuvent vous faire perdre 20 femmes pour voir où se trouve votre intelligence. Ça va aussi loin que ça. Ça va aussi loin que ça. Vous pouvez dire, ah ben là, j'ai triomphé de moi-même, là, je suis vraiment rendu intelligent. Surveillez-vous. Surveillez-vous la fois que vous allez dire ça. L'épreuve par l'épreuve. L'épreuve par l'épreuve. Pourquoi? Pour faire vivre la souffrance. Et c'est dans la souffrance que les gens tournent vers la folie. C'est too much. C'est trop. Ils sont pas capables de supporter l'événementiel. Et à un moment donné, ben, ils dérapent. Ils attachent une importance à une forme pensée qui descend dans leur tête. Et cette forme pensée-là, indirectement, là, on va leur dire, t'es pas capable de passer à travers ça. Hein? Un genre de pensée comme ça. Et quand tu as cette pensée-là, puis tu y crois, ben, la prochaine pensée qui va venir, c'est, t'es un imbécile. En général. Puis quand tu commences à penser que tu es un imbécile, tu es très près de la folie. C'est toujours l'histoire de celui qui dit le verre est à moitié plein ou il est à moitié vide. Oui, c'est toujours ça. Savoir. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont vivre des expériences terribles, pénibles, et ils vont quand même être optimistes en disant, après la pluie, le beau temps s'en viendra. Et ce n'est pas une question d'être optimiste, par contre. Ce n'est pas une question d'être optimiste. Parce qu'être optimiste, ce n'est pas se savoir. Être optimiste, c'est vouloir donner une raison qui va nous aider à passer à travers l'événement. Alors que savoir pourquoi l'événement arrive, c'est différent. Il y a une nuance. Être créatif. Être créatif, ben oui, mais là, être créatif quand tu as les émotions virées en envers, qu'est-ce que tu crées? Tu crées du désordre, bien souvent, parce que tu n'es pas sensible à l'environnement. Tu n'es pas sensible à ton propre environnement. Tu vas dire, bon, ben là, je vais aller faire un voyage, là. Tu sais, il vient de t'arriver un événement, puis tu dis, je vais être créatif, je vais aller faire un voyage. C'est peut-être la pire chose que tu vas faire. Parce qu'indirectement, tu sais pas pourquoi tu vas en voyage. OK? Ça peut être une forme pensée qui te descend dans la tête, puis ça te dit, ah, ben, je vais aller faire un voyage. Et tu vas faire un voyage, mais indirectement, tu as fait un échappatoire. Mais ça, tu n'es pas obligé de le savoir. Il faut respecter l'homme dans son rythme d'évolution et dans son cheminement. Il n'est pas obligé de savoir qu'il a fait un échappatoire. Un jour, il va peut-être avoir une autre souffrance qui va s'ajuster. Ça dépend de l'agenda. Vous avez tout. Chaque individu a un agenda. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont un agenda d'être intelligent. C'est pas un agenda, être intelligent. Être intelligent, c'est une vibration. C'est un état d'être. Un agenda, c'est un peu comme le maire Labo. Ça, c'est un agenda. Je vous insulte pas, là, j'espère. Ça, c'est un agenda. Et pourquoi? Ben, il y a certainement des raisons pourquoi qu'il veut pousser tant ça, ce mouvement-là. Mais c'est bon pour qui? C'est bon pour qui? Les riches? Hein? Pour les riches. Pour les riches? Bon. Voilà. Et ça peut être bon aussi pour tous ceux qui n'ont rien dans leur vie. Moi, j'aime beaucoup le hockey, mais vous n'irez pas à me dire qu'il faut subventionner une équipe de hockey. Quand les gens, les salaires sont faramineux et l'individu en société a de la difficulté à vivre. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Donc, est-ce qu'on peut établir indirectement qu'il n'y a pas de dialogue intérieur avec cet homme-là? Il y a seulement un dialogue extérieur qui indirectement s'est créé l'impression d'être intelligent. Parce que poser la question, c'est y répondre. Est-ce que le maire Labeaume est intelligent? Il a l'impression de l'intelligence et il s'en sert très bien parce qu'il parle très bien, cet homme-là. Il y a une force de communication. Il y a une force de communication dans cet homme-là. Donc, c'est son talent. Son talent, il l'utilise à bon escient pour ses convictions profondes. Mais est-ce que Colisée, ça va donner une direction à une population? Mais non. Le principe premier de tout politicien, c'est donner-leur du pain et des jeux. C'était vrai. C'était vrai dans le temps. Savez-vous pourquoi c'était vrai dans le temps? C'était vrai dans le temps parce que l'homme n'avait pas la conscience d'être intelligent seul. Aujourd'hui, on a la conscience d'être intelligent seul. L'homme sait qu'il doit être intelligent seul, lui. Moi, j'ai pas besoin d'aller avec 18 000 personnes pour me sentir en vie. Je souhaite que c'est la même chose pour plusieurs individus. Parce que quand ça va aller mal, c'est certain que les gens vont se retourner vers leur religion. C'est certain. N'oubliez jamais que la religion n'est pas sortie de l'auberge. Elle est encore dans l'auberge. Et les gens vont tout simplement se retourner vers leur religion parce qu'il y a un espoir dans la religion. Il y a un espoir dans la religion. La religion catholique, au Québec. Le crucifix national, le crucifix est encore à l'Assemblée nationale. Et on dit que c'est un symbole. OK? Donc, on donne aux gens ce qu'ils veulent entendre parce qu'ils n'ont pas d'identité. Si on a le moindrement d'identité, un gouvernement peut-il garder un symbole religieux au-delà de ce qu'il veut créer comme société? Vous regardez les États-Unis, la religion est très importante, mais pour des raisons. Et c'est la même chose pour le Québec, pour des raisons. La religion est encore importante pour certains élus. Ça les garde en équilibre. Mais quand vont venir les temps difficiles, la religion va donner quoi comme réponse à ces gens-là? Elle va leur donner quoi? Elle va leur dire prier, prier, prier. C'est fini ce temps-là, prier, prier, prier. Donc ça peut nourrir la folie chez les gens. Parce que les gens vont... Ben, on prend au Moyen-Orient, la folie religieuse, comment on appelle ça, l'intégrisme musulman, c'est une folie religieuse. C'est de la folie, c'est de la folie. Pourtant, eux, ils appellent ça des martyrs. Et pour nous, des martyrs, c'est des fous. Puis pour eux, nos martyrs, c'est leurs fous. Alors, on revient encore avec l'histoire de... Ça dépend de quel côté on est, dans le verre, partie pleine ou partie vide. C'est ça. C'est que le discernement doit être fait. Il y a une chose que l'individu doit comprendre. Votre vie est plus importante que n'importe quelle croyance. Ça, c'est la première règle. Votre vie est plus importante que n'importe quelle croyance. Ne donnez jamais aucune importance à quiconque extérieur à vous. Vous êtes la première personne à savoir qui vous êtes. Et ce que les autres pensent, ce n'est pas de vos affaires. Ils ont beau penser ce qu'ils veulent, ce n'est pas de vos affaires. Mais indirectement, si vous vous protégez de la croyance, indirectement, vous allez vous protéger du fanatisme qui peut vous s'emparer de vous. Quelles sont les caractéristiques de la santé mentale? De la santé mentale? Ah, intéressant. La santé mentale, c'est trois choses. Un, savoir que vous n'êtes pas fou. Deux, savoir que c'est l'au-delà qui est fou. Et trois, savoir où vous voulez aller. C'est quand que vous perdez la direction de où vous voulez aller que vous êtes devenu fou. Savoir que vous n'êtes pas fou, c'est toujours un jeu. C'est toujours la ligne mince entre l'intelligence et la folie. Et le fou, il ne sait pas qu'il est fou. Mais non, il ne sait pas. Parce qu'il n'a jamais répondu à la première question. Savoir que vous n'êtes pas fou, s'il est fou, il ne sait pas qu'il est fou. Ah, mais là, il est trop tard. Parce qu'il a déjà, donné de l'importance à d'autres événements plus important dans sa vie, c'est qu'au préalable, il faut que l'individu sache très, très, très jeune que, indirectement, c'est vrai que être intelligent, c'est dangereux parce que tu peux te réfléchir. Et quand tu te réfléchis, tu te sors de toi-même. Tu vas donner des valeurs à ta personne qui sont plus grandes que réelles. Donc, c'est le cas d'Adolf Hitler. Du narcissisme. C'est du narcissisme. Effectivement, ça va virer en du narcissisme. Et celui qui est fou, indirectement, ne saura jamais qu'il est fou, comme vous dites, parce qu'indirectement, il est plugué, il est branché sur une autre sphère de pensée que sa propre pensée. Il est en inframundi, en contact avec des mondes invisibles, inférieurs, de très basses vibrations. J'ai déjà vu, moi, un jeune homme à Montréal, faire l'amour à un parcomètre. Et c'était sa blonde. Il la caressait, puis là, je suis revenu du guichet automatique, et là, c'était la bataille. Il frappait le parcomètre, parce que il était en chicane contre le parcomètre, ou sa femme, parce que... Donc, il n'a aucune conscience de ce qui se passe dans sa tête. Ce qu'on appelle une psychose. Oui, mais c'est ça, de la folie. N'importe quelle psychose, c'est de la folie. Les névroses aussi. Mais là, la névrose, vous parlez d'autre chose. Ah. Vous parlez d'autre chose parce que la névrose n'est pas directement en contact avec la folie présent en permanence. C'est un phénomène qui apparaît quelquefois comme un flash et qui, s'il n'est pas traité, va devenir une psychose. Indirectement, ça va devenir un problème plus grand. Et l'individu ne sera plus capable de confronter avec ce flash-là. Par exemple, je suis pas belle. Une femme qui se dit, je suis pas belle. Mais là, ça se développe en névrose, vous êtes d'accord? Ça va se développer un peu comme une petite névrose. Et à un moment donné, elle ne se trouvera pas belle, et elle va arrêter de manger parce qu'elle va se trouver trop grosse. Donc là, elle est prisonnière indirectement d'un début de folie. Est-ce que... Et après ça, ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Elle n'a aucun contact de la réalité dans laquelle elle vit. Donc, c'est ça la folie. Vous n'avez pas contact de la réalité dans laquelle vous vivez. Vous n'avez pas conscience de qui vous êtes. C'est ça, la folie. Et les bipolaires aussi sont extrêmement actifs d'un coup, ils sont déprimés. Oui, c'est ça. Ben, les bipolaires, c'est une difficulté pour eux autres, c'est de savoir à quel moment ils s'excitent pour des riens. Bon, quand tu t'excites pour des riens, tu montes dans les montagnes russes, et quand les montagnes russes sont finies, ben, tu es obligé de les descendre, ces montagnes russes-là. Et la pente est très abrupte, hein, pour un bipolaire. La pente est très abrupte. Donc, il s'agit pour celui qui est bipolaire d'essayer d'intercepter ses émotions quand il se présente. Ah, je suis excité, là. Je m'excite pour rien. Tu sais, de venir ici ce soir, on peut être excité. Ah, ben, c'est bien, j'aime bien M. Rudland, rencontrer Richard Glenn, ça va être agréable. Je suis excité. Là, vous vivez un climax dans la conférence ou quoi que ce soit. Vous êtes super bien et vous retournez chez vous et vous êtes à plat. Mais c'est normal, parce que il faut que vous appreniez à vous calibrer. Il faut pas jamais être trop haut, jamais trop bas. Jamais trop haut, jamais trop bas. Et ça va vous servir dans le futur, parce que quand il va y avoir un événement mondial qui va être difficile, vous vivrez pas trop trop haut, vous allez vibrer juste un peu. Et si vous vivez un peu trop haut, vous allez dire, OK, pourquoi j'attache tant d'importance à ça? En disant, pourquoi j'attache tant d'importance à ça? Vous allez vous calibrer. Vous allez calibrer vos émotions, et ça va vous permettre indirectement de repartir à neuf. Donc, celui qui est bipolaire attache beaucoup d'importance à des événements, mais il ne comprend pas où il y a un mécanisme mental. Ce n'est pas aussi simple que je le dis, là. Hein? On s'entend. Il y a des mécanismes occultes à travers ça. Moi, je ne veux pas faire un cours de psychiatrie, mais indirectement, les gens savent très bien que lorsqu'on parle de bipolaire, c'est une difficulté de vivre incommensurable. Tout comme celui qui est bipolaire a plus conscience de ce qu'il vit que celui qui a une psychose. Beaucoup plus. On nous dit, en pédagogie ou en psychologie, que les génies souffrent d'un grand mal de vivre par inadaptation de la société à leur capacité à ces génies-là. Regardez la vie de Mozart, regardez les autres génies. Ils sont ignorés, ils sont rejetés. Et voilà, parce qu'ils veulent être aimés. Émile Nalligan, André Mathieu. Oui, mais quand tu veux être aimé, c'est certain que tu attaches plus d'importance aux autres. Et tu veux être reconnu. Mais c'est toi qui dois te reconnaître. Le génie, c'est quoi? Non, mais ils sont souvent bafoués dans les centres, justement, des hommes. Ah, mais c'est parce qu'ils se présentent dans des... événements par le bas. Moi, je vais ici, si je viens à un événement comme ceci ce soir, puis indirectement, on me manque de respect ou on me traite de tous les noms, je reviens pas. Mon génie va me dire, t'as pas d'affaire là? T'as pas d'affaire là? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que ça veut dire indirectement que le travail que je fais, c'est pas bon? Ben non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Et les gens cherchent beaucoup la reconnaissance à l'extérieur d'eux-mêmes. Ça revient à ce que je disais au début de la conférence, se savoir soi-même, s'établir, se donner une base de vie, savoir son talent et construire autour de son talent. On a tous un talent. Vous avez la parole, c'est très facile pour vous. Est-ce que vous abusez de la parole? C'est vous qui le savez à travers votre vie. Hein? Est-ce que vous avez fait des erreurs dans votre vie qui vous ont permis de dire, OK, ça, je peux plus utiliser ça, il faut que je relaxe un petit peu le pompon. Hein? Puis, en relaxant le pompon, ça permet un petit peu de se repositionner par rapport... Les gens ne vous comprendront jamais. Oubliez ça, les gens ne vous comprendront jamais, mais les gens peuvent reconnaître, par contre, si vous dites ce que vous dites ou pas, c'est pas intelligent. Les gens sont assez intelligents pour savoir si ce que vous dites, c'est intelligent ou pas. Moi, c'est comme ça que je vis ma vie. Je me pose pas la question si les gens me donnent l'importance, je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient bien dans ma présence. Si vous n'êtes pas bien, ben demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est parce que je vous domine indirectement dans ma façon d'être? Et si je suis si bien que ça, et vous n'êtes pas bien, ben indirectement travaillez sur vous. C'est pas de ma faute si vous n'êtes pas bien. Marc de la Salle, dites-moi s'il y a une différence entre se connaître soi-même et le fameux dicton en ésotérisme de base qui est « connais-toi toi-même ». Pour moi, c'est la même chose. C'est la grandeur de l'événement ciel de l'individu va le pousser à se connaître soi-même. Et connais-toi toi-même, c'est aussi la même chose. Parce que indirectement, c'est la plus belle découverte que vous pouvez faire sur cette terre. Le reste, c'est toute la bullshit. Le reste, c'est toute la bullshit. Tu sais, de vouloir s'acheter une automobile flambant neuve de l'année, et si vous ne savez pas qui vous êtes, ça ne changera rien, à part que vous allez vivre un stress avec votre compte en banque, parce que peut-être indirectement, vous n'aviez pas à l'acheter, cette voiture-là, mais vous pensiez que vous pouviez l'acheter, parce que le voisin en avait une nouvelle. Ah, ben là, c'est connais-toi toi-même, c'est ça, hein? Je m'achète une voiture parce que lui en a une plus belle. Mais là, je regarde mon compte de banque, connais-toi toi-même, puis dis, pose-toi les vraies questions, là. C'est amusant, parce que cette semaine, je viens d'acheter une nouvelle voiture après 15 ans avec la même voiture. De 1995. Puis là, je viens de changer de voiture. Je l'ai payé cash, 2 000 $, une 2000. C'est symbolique. Hein? Aucun problème financier avec ça. Moi. Je vais garder 15 ans encore. Ah, mais, ben, bonne chance. Alors, oui. Ben, moi, c'est le gars optimiste, mais même si vous appelez pas ça une qualité quelconque, mais pourquoi c'est le côté plein du verre tout le temps. Oui. Il est à moitié plein. Mais pourquoi vous dites que vous pouvez la garder 15 ans? Dans les contextes actuels, vous êtes certain que vous allez garder cette voiture-là 15 ans? On a justement ici le représentant de la Société des génies du Nouveau Monde, qui est une société québécoise, oui, qui met de l'avant toutes les inventions, les génies du Québec, d'accord, qui vont procéder, d'ailleurs, mon ancien véhicule de 1995 va être transformé pour fonctionner autrement qu'avec le pétrole. Ah, OK. Bon. Alors, on s'entend que c'est du génie. Et j'ai hâte d'entendre de Marc de la salle, là, exactement là, la définition qu'on pourrait dire d'un processus génial par rapport à un processus fou. Parce que un comme dans l'autre sont marginaux. Hein? Oui, oui, oui. Mais un processus de génie, c'est intéressant ça. Parce que pour parler vraiment de créativité, il faut que l'homme regarde deux choses en gros. Il faut qu'il soit capable de regarder si ça fait partie de lui-même de créer ce qu'il fait. Si ça fait partie de son créneau vibratoire, ça veut dire de son talent. OK? Si ça fait partie de son talent, il va pouvoir le faire. Et il ne se prostituera pas pour le faire. Ça veut dire qu'il ne vendra pas son âme pour faire ce qu'il veut faire. C'est une bonne distinction, hein? Parce que beaucoup de gens qui veulent faire des choses. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, je veux écrire des livres. » Mais c'est une vibration, écrire un livre. Vous pouvez très bien écrire un livre parce que vous voulez écrire un livre, mais ça va servir à qui? Ça va vous servir à vous. Alors que si celui qui est le génie, il veut indirectement pousser une voiture et la rendre indépendante du pétrole, et ça fait partie de son talent, il va être capable de le faire. Et où il se peut se faire piéger, c'est dans cette situation-là, de croire que la société est prête pour son génie, est prête pour son talent. Rappelez-vous le moteur électrique des années 70, hein, vous vous rappelez? Le moteur roue des deux. Le moteur roue électrique, mais oui. Donc, il y a des gens qui vont vous empêcher d'être votre génie. Et n'essayez surtout pas de créer des choses qui peuvent être... Je connais des gens qui sont capables de fabriquer des bidules, puis ça fonctionne sans électricité, puis ça fait fonctionner l'électricité dans la maison. C'est sûr qu'ils le gardent en pièces détachées, son bidule, parce que il y a eu écho à un moment donné, il y a des gens qui sont débarqués chez lui, des gens importants, parce qu'on veut voir ton bidule, j'ai pas de bidule. Pour vous donner une idée. Il y a des génies, effectivement, mais il faut se protéger de la société dans laquelle on vit. Moi, je me protège. Je fais pas des conférences publiques à la télévision. Je me ferais assassiner. Dire ce que je dis là. Il y a plein de gens qui sont pas prêts à entendre ça. Oh, parenthèse. Là, il n'y a pas de problème qu'on mette ça sur Internet. Là. Ah, non, ça, c'est différent. Ça, okay. C'est différent. Parce que moi, j'accepte la forme que vous présentez à vos membres, et je serais confortable avec cette forme-là. Mais on ne me demandera pas de dire des choses que je ne veux pas dire. Ça, c'est certain. J'ai pas rien à vendre. J'ai absolument rien à vendre. Et en passant, je n'ai pas de membres. Mes membres sont sur mon corps. J'ai des abonnés. Ah, des abonnés. D'accord. D'accord. Il y a une différence. Oui. Quelle importance vous donnez aux mots, justement? On choisit des mots des fois. Pour moi, si je dis membre, ce n'est pas péjoratif. Et si vous vous dites abonné, ce n'est pas péjoratif, mais je respecte votre conscience. Et donc, je vais avec abonné. À cause du système, d'ailleurs, il faut les appeler des abonnés, pas des membres. C'est préférable. Parce que les membres font partie d'une secte. Ah oui. Alors, les abonnés, ils payent un abonnement comme magazine Protégez-vous. Vous avez appris, c'est ça, vous vous protégez comme ça, vous. Exactement. Puis je les protège eux aussi. Et voilà. De ne pas être obligé. Et voilà. Vous faites la même chose que moi pour moi-même. Parce que vous avez compris qu'indirectement, la société va essayer de vous prendre ce que vous êtes. Puis moi, je sais très bien que la conscience planétaire n'est pas prête pour un discours à grande échelle comme celui-ci. Sinon, c'est pas un colisée qu'on bâtirait. Ce serait des universités de la conscience, où les gens iraient se faire dire indirectement « connais-toi toi-même ». Mais ça, c'est de la philosophie ancienne, « connais-toi toi-même ». Mais là, on a besoin de centres pour des Lady Gaga. Ah oui? Oui, il y en a déjà beaucoup. C'est triste, mais vous voyez aussi, on construit une immense scène pour U2 à Montréal au mois de juillet. Et ici, vous autres, vous avez les plaines d'Abraham qui sont pleines de concerts rock à tous les fois. Posez-vous la question, est-ce que ça change vraiment quelque chose à la ville, indirectement? Est-ce que ça change la psyché de la ville tant que ça, de faire venir ces gens-là? Est-ce que ça donne quelque chose, un plus à la société québécoise de faire venir, indirectement, ça nourrit qui? Ça nourrit les portefeuilles, ça nourrit le corps émotif. Mais c'est correct, ça va fonctionner encore pour quelques années. Pour quelques années, soyez prêts à supporter beaucoup de non-intelligence dans la société dans les années à venir. Beaucoup de non-intelligence. La rage au volant, c'en est un, ça. La rage au volant, c'en est un. Le tatouage excessif, c'en est un. Le body piercing. Tout ce qui est un aperçu, tout simplement, de ce que tu penses être. C'est un aperçu de ce que tu penses être. Ton corps physique, c'est ton véhicule pour absorber le poids de l'intelligence. C'est pas pour absorber le poids de l'ego. Et présentement, c'est ce qu'on voit en société. C'est la valse de l'ego. Et Lady Gaga, elle valse. Puis il n'y a pas personne qui va lui dire qu'elle n'est pas intelligente. Et prenez Justin Bieber, un autre phénomène. 16-17 ans. Qui fait tomber les filles comme les Beatles les faisaient. Ça change pas la conscience, hein? On a un sérieux problème d'intelligence, de reconnaître c'est quoi de l'intelligence. Donc, la folie, c'est un peu ne pas savoir qui on est, et l'intelligence, c'est de savoir exactement où on s'en va. C'est ça, l'intelligence. C'est l'homme qui fait le moteur que vous parlez, c'est où ce qui s'en va avec ça, et il est capable de voir qu'indirectement, s'il va un petit peu trop public avec ça, il va se faire taper sur les doigts, il n'est pas intelligent, s'il ne s'ajuste pas. Parce qu'il doit connaître le rythme de la société. Mozart ne connaissait pas le rythme de la société dans laquelle il vivait. Il ne le connaissait pas. S'il l'avait connu, il n'aurait pas vu une vie de débauché comme ça. Il aurait vu une vie... Mais il ne faut pas oublier que Mozart a créé pour l'homme, pour des années à venir, une grande, grande vibration par rapport à la sensibilité de l'individu qui lui permettait de se mettre en équilibre plus facilement grâce au son de la musique. Mais les sons qu'on entend aujourd'hui, ce ne sont pas les sons de la musique. C'est les sons du bas monde astral, c'est le son de la noirceur. Si je dis « go to hell » dans ma chanson, indirectement, c'est loin d'être intelligent. Mais la musique peut transporter les individus. Morricone fait de la très, très belle musique de film. Les individus, il y a des individus qui font... Vous prenez Richard Desjardins au Québec. Il ne se prend pas au sérieux. En ne se prenant pas au sérieux, il fait déjà de la musique plus adaptée à une société dans laquelle il vit. Parce qu'il veut pas, il veut pas avoir des impressions, il veut pas créer des impressions chez les individus. Il se sait. Lui, il aime faire de la musique, il fait de la musique. C'est la même chose que Félix Leclerc. La même chose que quel autre grand chanteur, peut-être, il n'y en a pas d'autre, à part Félix. Puis Desjardins, il n'y en a pas d'autres. Les autres se réfléchissent trop. Jean-Pierre Ferland, il veut être le meilleur. Il veut séduire encore. Il veut dire séduire son public. Félix Leclerc n'a jamais voulu séduire son public. Pardon? Ah, Gilles Vigneault, effectivement. Il y en avait un troisième, et c'est celui-là. Et voilà. C'est ça. C'est ça. Il y en a pas eu beaucoup, hein? Rappelez-vous ici à Québec l'événement de Céline Dion avec Ginette Renault. Il y a 2 ans. Et Ginette Renault descend sur scène. C'est elle, la chanteuse! Céline était toute petite fille, sur le stage quand que Ginette Renault chantait. Parce que Ginette Renault n'a pas de loi d'impression. Elle n'utilise pas les lois d'impression de se penser intelligente. Elle est Ginette Renault. Elle se sait. Elle descend sur scène. Je vais chanter. Céline, c'est-tu la même chose? Céline, elle est bonne pour le spectacle, mais n'a pas la voix de Ginette Renault. Mario Pelcha a une très belle voix aussi au Québec. Une grande voix, une des plus belles voix du Québec, Mario Pelcha. Mais, étant donné qu'il a fait des choix douteux des fois dans sa carrière, on voit la loi d'impression, on n'est pas capable de voir c'est qui l'individu, pourquoi il y a telle sensibilité, etc., etc. On est beaucoup piégé dans les lois d'impression. Nathalie Choquette, ma préférée. Très bonne, très bonne. Oui, très belle voix, très belle voix, oui. Alors, on est dans l'inframundi avec tout un monde de folie, de basses vibrations, etc. Comment peut-on, parce que c'était le thème de notre rencontre le mois dernier, en arriver au thème du mois présent, mois de juin, à sauver, sortir de l'inframundi d'en bas ici pour monter vers les plans des êtres supérieurs qu'on pourrait appeler extraterrestres, angéliques, etc., dans l'intelligence, dans l'esprit? Et c'est sûr qu'il faut que vous sachiez quand vous n'êtes pas intelligent. C'est la première règle. Sachez quand vous n'êtes pas intelligent. Quand on a des émotions, est-ce qu'on peut être non, quand même c'est intelligent? Non, c'est plus difficile. C'est plus difficile quand vous avez des émotions. Parce que quand vous avez des émotions, vous colorez votre façon de regarder l'événement. Et quand on colore l'événement, on a l'impression que ce qu'on voit est réel. Et bien souvent, ce qu'on voit n'est pas nécessairement réel. Comment on peut calibrer indirectement? C'est comme je vous dis un peu. Si, supposons, quelqu'un vous dit « mange de la merde », il faut que vous regardez, est-ce que ça vous dérange que cette personne-là vous dit « mange de la merde ». Et si ça vous passe 2 pieds par-dessus la tête, sachez pourquoi que ça vous passe 2 pieds sur la tête. Mais la personne qui vous dit « mange de la merde », indirectement, elle est déjà connectée avec des bons mondes. Elle veut vous provoquer. Elle veut vous amener vers ces bas mondes. C'est à vous, indirectement, de savoir que si vous arrivez à être le moindrement neutre et de reconnaître tout simplement que cette personne-là est dans un état d'esprit qui est fort différent du vôtre, vous allez être capable de prendre une distance. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous allez dire, ben, mange-en de la merde, toi aussi. Et là, vous êtes dans ces mondes. On répond fuddle-duddle. Pardon? On répond fuddle-duddle. Ah oui. Comme Pierre-Éliott Trudeau avait fait. Ah oui, je me rappelle pas. Non. Vous êtes trop jeune pour ça. Oui, c'est ça. C'est vrai, pareil. Il répondait ça. On fait une pause. Comment vous vous situez par rapport à la parole, à l'écrit et la source? Ah, c'est intéressant parce que, est-ce que l'écriture vient avant la parole ou la parole vient avant l'écriture? Je vous vois griffonner tout le temps pendant que vous planchez. Là. Ça, c'est parce qu'indirectement, c'est plus facile pour moi de travailler comme ça. Parce que j'attache pas d'importance à l'information. Et ça m'empêche simplement de trop chercher des réponses, mais c'est que la vibration descend bien dans un crayon. La vibration descend bien dans un crayon. Mais j'ai pas besoin d'écrire, mais ça dépend de qu'est-ce que je vais avoir comme information. Quand j'écris pour un livre, je sais exactement qu'est-ce que je vais écrire, combien de temps ça va prendre, en direct, quels sont les chapitres, etc. J'ai aucune idée. J'écris, puis c'est tout. J'ai pas besoin de réfléchir à comment je vais organiser ça. Ça vient. Si c'est pas réfléchi, c'est donc une source directe de lumière. Il n'y a pas de réflexion, non. Je suis pas capable de penser. C'est quoi la source? C'est quoi la source? Ben, ça dépend des gens. Moi, j'appelle ça un double cosmique. Ça dépend des gens. C'est peut-être une entité de lumière. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça le double cosmique parce que c'est la contrepartie de votre inconscience. Quand vous vous incarnez dans la matière, vous vous incarnez en tant qu'individu. Vous avez un ego, une âme. Mais il y a une contrepartie qui est restée sur les plans. Et cette partie-là, c'est l'intelligence, c'est la lumière, indirectement, qui est connectée avec vous, qui vous dissocie d'un autre individu avec le temps. Sinon, on serait tous des moutons. On aurait tous le même génie si on aurait tous la même source, hein? Vous êtes d'accord? Donc, on a différentes sources, indirectement, selon l'âme qu'on a, selon la vibration qu'on a, puis il faut checker sa source. Vous avez sans doute remarqué, madame, mademoiselle ou monsieur, que dans cette salle 1106 du Club Créé, Club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental, il y a deux autres heures consacrées à M. Marc de la Salle, soit la période de questions-réponses avec le public à Québec, qui suit justement la conférence qu'on vient d'entendre, ou alors la conférence qu'il nous a donnée à Montréal au cégep de Maisonneuve. C'était les premières présences de M. Marc de la Salle avec nous à Ésotérisme expérimental. Si cette démarche vous intéresse, vous pouvez toujours vous abonner pour les mois ou les années passées ou à venir par bloc d'un mois, trois mois, six mois ou un an au tarif ici affiché. En payant par PayPal en ligne, service très sécuritaire, vous avez un accès instantané à la salle ou aux salles de votre choix. Ou alors par la poste avec un chèque ou un mandat postal libellé au nom du Club Créé, à l'adresse Club Créé, case postale 52 Belleuil, J3G4S8, ou alors en assistant à la conférence au début de chaque mois, à Québec, à l'Université Laval, au pavillon Adrien Pouliot, au local 2341, le premier vendredi du mois de 19h30 à 23h, ou le dimanche qui suit le premier vendredi du mois à Montréal, au cégep de Maisonneuve, 3800 Sherbrooke Est, au local B4417, non loin du métro P9, tout près du stade olympique, de 13h à 17h, c'est la salle juste au-dessus de la porte d'entrée principale du cégep de Maisonneuve. Alors là, vous aurez accès à la salle qui correspond au mois de la conférence à laquelle vous aurez assisté, en remettant évidemment le bon de présence à la porte d'entrée de la conférence. À bientôt!